Nouvelle donne. Pour pallier aux absences trop fréquentes de Faustine, Maxime a engagé une secrétaire indépendante. Monique est efficace, rapide. Surtout, elle accepte d'être payée au lance-pierre. De cette manière, Maxime limite les dégâts que cause sa femme par son inconstance et son alcoolisme, et il se détache progressivement de la Prana au profit d'un nouveau représentant plus fiable. À la Prana, d'ailleurs, grâce ou à cause de tout cela, l'ambiance a changé. Ses collègues ne regardent plus Faustine de la même manière. Elle est tombée de son piédestal. Désormais, on se méfie d'elle. Est-elle vraiment guérie? Sainte-Anne, tout de même, c'est un asile de fous, non? Depuis qu'elle est revenue, Faustine tente, tant bien que mal, d'effacer la mauvaise impression laissée par ses défections. En son absence, son bureau a été transféré à l'étage supérieur. Il est immense et beaucoup plus lumineux. Mais la jeune femme regrette d'avoir perdu sa place au centre de la ruche. Le désordre, la poussière, les cris et les jurons lui manquent. Le contrôle des tenants est aboutissant surtout. Elle se sent plus seule que jamais. Le pire, c'est le manque de travail. Fini les heures supplémentaires. Tout roule. Les autres se sont partagés les travaux qu'elle ne savait pas déléguer. Faustine passe du stress à la décompensation. Ni Claude ni son nouvel assistant Stéphane ne sont disposés à collaborer. Elle doit se rendre à l'évidence. Le départ de Maxime, conjugué à la fin des 30 glorieuses et donc au début de la crise, a changé la donne. Désormais, seuls les meilleurs resteront et c'est chacun pour soi. Faustine repense avec nostalgie au samedi d'autrefois, lorsqu'elle bénéficiait d'une paire royale pour boucler un dossier. Il arrivait que Jacques fasse un saut dans l'après-midi et qu'il passe un moment à dialoguer sur toutes sortes de sujets. Cela ne faisait peut-être pas avancer le boulot, mais leurs échanges spirituels et philosophiques étaient riches et profonds. La jeune femme se rend compte à quel point son patron a consacré une énergie incroyable à la soutenir, à lui redonner confiance en elle, à lui permettre d'évoluer. Lui-même est un inconditionnel du grand maître de la fraternité blanche universelle, l'Omram Mikhaël Haïvanov. Autrefois, ce dernier l'avait aidé à se reconstruire après que son père se fût noyé sous ses yeux. On l'avait ostracisé pour cela. Il avait 15 ans. Puisqu'elle dispose de plus de temps pour elle, Faustine reprend ses visites chez la doctoresse Cohen. En se pliant à la discipline stricte des prises de médicaments, en évitant les chocs émotionnels violents et les initiatives irréfléchies, elle a des chances de guérir, lui promet cette dernière. Plus question pour l'instant de quitter Maxime et Saint-Rémy. En septembre, Faustine participe à l'organisation du salon de l'électronique d'Evian. Au cours de la manifestation, les participants sont invités à une soirée récréative. Pour commencer, un apéritif servi dans les salons de première classe d'un bateau à vapeur rénové sur le Léman. Le ciel est dégagé. Ils ont la chance d'assister au coucher du soleil, le célèbre feu au lac, spectacle prodigieux s'il en est. Depuis Ouchy, un autocar les conduit jusqu'au château d'Oron, érigé au XIIe siècle et aménagé en lieu de charme et d'histoire pour réunions professionnelles. Des pages en livrée, des soubrettes en costume, des valets en tenue dorlotent les convives. De grands feux brûlent dans les cheminées et un repas digne des barons d'Oron, des comtes de Gruyère ou des baillis de Berne est servi. Chaque plat présenté au son des trompettes médiévales. Faustine, rare femme de l'assemblée, en a vite assez des discours techniques et de son verre vide. Elle céderait volontiers sa place en échange d'une soirée copine et chiffon. De retour à Paris, Maxime et Faustine sont invités chez des amis, musiciens et réalisateurs de films. La soirée démarre par un punch brésilien d'une traîtrise absolue. Un verre, deux, trois. Faustine n'a pas écouté les avertissements. Elle passe au lavatorise. La tête lui tourne. Elle avise un sofa opportunément placé dans le vestiaire, s'allonge et s'endort. Au réveil, elle rejoint la table. Elle a probablement raté les hors-d'œuvre. Pas grave, les cailles sont excellentes, même froides. Personne ne commente. Suite à ce dernier exploit, Maxime accepte enfin qu'elle fasse venir un membre des Alcooliques Anonymes à Saint-Rémy. Aujourd'hui, un couple se présente. Lui est alcoolique, elle pas. Faustine propose à boire. Il choisit de l'eau, sa femme du vin. Faustine aussi, tant qu'à faire. Demain, on rase gratis. Pendant 2 heures, l'homme relate son parcours d'une voix monocorde. C'est d'un ennui profond, d'une tristesse sans nom. Mais surtout, pour quelqu'un qui a cessé de boire depuis de nombreuses années, on dirait que ça lui manque encore, tant il a l'air malheureux. Faustine se dit que si c'est pour en arriver là, est-ce que ça vaut la peine de se priver du plaisir? Elle laisse repartir le couple sans promettre de participer à la prochaine réunion. Le soir, elle rend compte de cette visite à Maxime qui lui répète une fois de plus que si elle s'en tient à 2 ou 3 verres, elle n'y voit pas l'inconvénient. Il n'a toujours pas compris qu'en la matière, c'est tout ou rien. Sitôt que Faustine s'est servi le premier verre, il lui est impossible de s'arrêter. Par contre, tant qu'elle ne le fait pas, elle peut rester sobre des semaines entières. Elle ne souffre pas non plus d'une dépendance qui l'oblige à démarrer sa journée avec un verre. Entre 2 péripéties, Faustine n'oublie pas que Kay, son compagnon d'infortune à l'hôpital Sainte-Anne, a accepté de lui faire un enfant. Elle lui téléphone de temps à autre en l'absence de Maxime pour le garder au chaud. Parallèlement, elle reprend sa température. Aussi, pendant les mois d'octobre et de novembre, elle obéit docilement à sa psy et stabilise son taux de lithium. Début décembre, maman téléphone. « Salut Fifi, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? » ?»« Beaucoup mieux, je suis rentrée. » »« Rentrée ? D'où ça ?» De la métairie. C'est quoi? Une clinique, à Nyon. On y soigne l'alcoolisme. C'est basé sur les modèles des cliniques Betty Ford. Et ça a réussi? Oui, c'est fantastique. Le grand luxe, des soins épatants, groupe de parole, sophrologie, atelier d'écriture, diététique, yoga, le rêve pendant 6 semaines. Et je te parle même pas du resto 6 étoiles. Tout ça aux frais de la princesse. Surtout, j'ai appris que l'alcoolisme est une maladie. Ça n'a rien à voir avec un manque de volonté quelconque. Ça aide à combattre le sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, je suis tirée d'affaire et je me suis fait des amis dans un groupe AA, Alcoolique Anonyme, à Lausanne. C'est pour ça que je t'appelle. Il faut absolument que tu trouves l'équivalent en France. Et je m'y prends comment ? Pour commencer, tu prends rendez-vous dans le centre d'alcoolologie le plus proche de chez toi. D'après mes renseignements, dans les Yvelines, c'est dans un bled qui s'appelle Plaisir. Ça te dit quelque chose? Je sais où se trouve Plaisir, oui. Je n'y suis jamais allée au centre, mais c'est entendu. Je les contacte demain. Parfait. Quand tu les auras vus et qu'ils auront confirmé ta maladie, ils te trouveront une place dans un établissement de cure. Tu vas enfin pouvoir recommencer à vivre. Merci, maman. Tu verras, Astin, tu vas t'en sortir, comme moi. Surtout, explique-leur bien que c'est urgent et tiens-moi au courant. Faustine obtient un rendez-vous pour le 31 janvier 1990, dans 2 mois environ. Impossible, malgré son insistance, de faire plus vite. Que cela semble loin. Début décembre, Faustine appelle Kay. Son ovulation se précise pour le samedi suivant. Ça tombe bien, Maxime sera absent. Elle pourra passer le week-end chez son nouvel ami sans qu'on s'inquiète de sa disparition. Elle dévoilera son projet à Maxime uniquement en cas de réussite. Pas question de renouveler l'erreur commise avec Rodolphe. Avec Kay, il se donne rendez-vous au restaurant Notre-Dame, à l'angle de la place du Petit Pont et du quai Saint-Michel à Paris. Ils déjeuneront ensemble avant de se rendre à l'appartement de Kay. Quand Faustine arrive à l'heure convenue, dans un état d'excitation indescriptible, elle se heurte à un accueil sibérien. Kay refuse de manger, prétextant un manque d'appétit. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai gambergé. Et je veux bien te faire un enfant, mais seulement si on l'élève ensemble. » « C'est une plaisanterie. » « Non, plus j'y pense, plus je suis sûre que c'est ce que je veux. » Mais t'es au courant que je suis mariée? J'ai pas besoin d'un père, j'en ai déjà un. Je veux juste un enfant. Et moi, je suis supposée rester seule pendant que mon enfant est élevé par un autre? Ça ne semblait pas te poser de problème quand on en a parlé l'autre jour. Non, mais depuis j'ai eu le temps de réfléchir. T'es vraiment une ordure. Tu te rends compte que tu viens de détruire ma vie? Tu étais ma dernière chance. Désolée. Ah ça oui, tu peux la désoler. Espèce de salaud, salaud, salaud! Hurle Faustine en lui jetant le reste de son verre à la figure. Elle pleure tout le long du parcours jusqu'à la gare de Lyon, s'arrête à tous les bars, reprenant une bière à chaque fois. Elle s'écrase dans le train, se réveille au terminus, retrouve sa voiture à grand-peine sous une pluie battante, manœuvre maladroitement pour sortir du parking, remonte chez elle, se sert un triple whisky et s'endort. Entre deux cauchemars, elle revoit les regards méprisants dans la rue, le métro. Elle s'interroge. Au cinéma, quand un homme vit un coup dur et se saoule, tout le monde le prend en pitié. Pourquoi est-ce si mal vu quand il s'agit d'une femme? La semaine suivante, Faustine se noie dans le travail, organise la fête de Noël de la société, recommence à fumer et à boire pendant la journée. Chaque fois qu'elle retrouve sa psy, elle se fait prescrire des médicaments supplémentaires, sous n'importe quel prétexte. Elle se constitue ainsi une jolie réserve bien rassurante. Mi-décembre, Jacques lui présente Claudine, une amie venue passer les fêtes avec sa famille. Claudine est médium. Jacques aimerait beaucoup qu'elle s'entretienne avec Faustine. Elle lui parle de son avenir.